Pas de virus, pas de bactéries, pas de toxines, on peut y aller. Label Rock. Deux heures de son pas comme les autres. Pop Rock, Electro, Reggae, World. Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de Label Rock. Deux heures de musique pas comme les autres, comme chaque semaine, indisponible évidemment via l'internet et le podcast. Beaucoup de choses dans cette émission, avec pas mal de nouveautés, mais aussi quelques pépites que je vous ai dénichées dans les vieux cartons de Label Rock. Allez, on va commencer cette émission avec un extrait de l'album d'un groupe qui s'appelle Fortune, ce sont en fait des Français qui font de la pop, qu'on va qualifier de New Wave, à mi-chemin entre le groupe M83 et un groupe célèbre qui cartonne un petit peu partout dans le monde, qui s'appelle Phoenix. C'est un maxi intitulé Under the Sun, où l'on retrouve justement ce titre en version originale, mais aussi et surtout, je dirais, en version remixée de choix par Adam Kescher et Yel. C'est ce qu'on va s'écouter tout de suite. À noter que l'album est dispo depuis mars dernier sur le label Disc Primeur. Allez, c'est parti donc pour une nouvelle émission de Label Rock. Montez le son, c'est parti pour deux heures de musique pas comme les autres. Control, joking about sound. Come back. morceau s'appelle Under the Sun, remixé ici par les DJ de Yell. Le groupe s'appelle Fortune, c'est un maxi disponible sur le label Disque Primeur, idéal donc pour commencer cette émission de Label Rock. J'ai oublié de vous dire en début d'émission qu'on aura évidemment du live, puisqu'on fera un retour sur une des dernières soirées des Mardis du Grand Marais qui se sont déroulées à Riorge, avec du rap, tiens, à l'honneur, c'est pas souvent qu'on en a dans cette émission, et ça fait plaisir de temps en temps, surtout qu'on accueillera une artiste talentueuse qui s'appelle Kazé. En attendant, on continue avec la pop, il s'appelle The Lanskys et Cocorico, ils sont français, enfin presque, hein, puisque le chanteur, si j'ai bien compris, est gallois. Grosse sensation depuis 2008, ils ont sorti un album qui s'appelle Bank Holiday, c'était en juin dernier, il y a un nouveau single qui s'appelle Dirty Harry, on s'écoute ça tout de suite. À noter si vous aimez qu'ils seront en concert le 11 décembre au Transmusical de Rennes. Thank you. de la pop française avec The Landskies, donc nouveau single qui s'appelle Dirty Harry. Je vous rappelle, l'album s'appelle Bank Holiday, disponible depuis juin dernier. A noter donc qu'ils seront en concert le 11 décembre au Transmusical de Rennes. Et puis à l'instant, un groupe new-yorkais sensation. Ils sont potes des MGMT, ils ont eux aussi sorti leur premier album. Le groupe s'appelle Violence et l'album lui s'appelle Amoral, disponible sur le label Static Revival. On va rester dans la bonne pop comme ça. Psyché avec 6 musiciens de Reims qu'on avait applaudi du côté des Mardis du Grand Marais à Rieurs. Souvenez-vous, c'était en janvier 2009. Il s'appelle The Bewitch Hands, premier album qui est sorti le 25 octobre dernier. L'album s'appelle Birds and Drums, c'est justement le titre qu'on s'écoute tout de suite. Street saw the two men I found my mother's and guns. The black lovers and sons that wave her away to a friend or foe. At least that's what she said. Put in teeth on the grumpy grand in the alleys of the store. Threw over some blunts, a skinhead that could cut behind. With a duster and a flash of switch flip on. Strong the door, though the bouquet was broken. A soiled age ago, but he's caught up. Après les chouettes mélodies françaises de Bewitch Hands, belle démonstration de pop signée ce coup-ci par des Anglais du nom de Crooks. The Crooks, C-R-2-O-K-E-S, ils sont quatre, ils viennent de Sheffield et ils font ce que je qualifie de pop romantique avec des accents un petit peu à la Smith comme ça. Un chanteur qui rappelle le talentueux Morrissey, surtout un gros talent pour la composition de morceaux pop absolument géniaux. C'est un maxi qui sort sur le label Fierce Panda, le maxi qui s'appelle Dreams of Another Day Hippie. I'm alright, Jack, with your hands on my. Le son de label rock qui continue, et ceci pendant deux heures après la pop, place maintenant au dub reggae avec un album disponible depuis le 18 octobre. C'est le retour des Easy Star All Stars avec ce coup-ci un hommage au Pink Floyd et notamment à l'album qui s'appelle Dark Side of the Moon. Easy Star All Stars dans label rock, ça s'appelle Money, remixé par un certain Mad Professor. Thank you. La légende anglaise du dub, Mad Professor, décidément à l'honneur ce soir dans Label Rock après son remix signé pour Easy Star All Stars avec un retour au titre culte de Pink Floyd Money. Le voici donc, Mad Professor, associé à l'excellent groupe de reggae Pama International. L'album s'appelle Pama International Meet Mad Professor, Rewired in Dub, disponible sur le label Rockers Revolt. Franchement, c'est excellent. L'album original était vachement bien. Le tout maintenant reconstruit par Mad Professor, c'est encore mieux. On va se calmer maintenant dans Label Rock avec le retour des voix féminines, première voix féminine tiens ce soir, avec le retour des Lyonnais, And Relax, deuxième album qui s'intitule The Oak Tree. L'album est sorti le 9 novembre dernier, il est distribué en France par Anticraft. 15 titres en tout pour un univers surprenant et captivant, les And Relax qu'on avait encore une fois applaudi du côté de Riorge au Mardi du Grand Marais. Je vous rappelle Marine Pellegrini au chant, Lucas Garnier à la trompette et au cornet, Pierre Vadon au clavier et guitare, Mathieu Play au sampler et clavier, et enfin Nicolas Tête batterie. Donc l'album s'appelle The Oak Tree, un extrait tout de suite, ça s'appelle Tiger and Sparrow. Take your ribs. Tonight, and I believe in the morning you'll begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Just sleep out the back, Jack. Make a new plan, Sam. Don't need a car ride. Just get yourself free. Hop on the bus, yes. Don't need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free. Get yourself free. Sleep out the back, Jack. Make a new plan, Sam. Don't need to be car ride. Vous êtes nombreux chaque semaine à me demander de la pop féminine, des belles voix féminines, que ça soit de la folk ou encore de l'indie pop ou alors tout simplement de la pop. Et ben vous êtes servis cette semaine avec non seulement la belle voix de Marine Pellegrini, donc Henry Lax, Tiger and Sparrow, l'album s'appelle The Oak Tree, et puis au milieu Serafina Steer, hein, cette magnifique anglaise qui a une double actualité, hein, puisqu'elle a sorti un deuxième album sur le label Static Caravan, mais aussi un maxi qui s'appelle Bloody Hell chez Stolen Recordings. C'était justement un extrait de ce maxi qu'on s'était écouté de Resistance. Et puis à l'instant, Diving with Andy, extrait de l'album Sugar Sugar, reprise d'un titre de Paul Simon qui s'appelait 50 Ways to Leave Your Lover. On reste du côté de la folk, on part du côté des États-Unis, retrouver un groupe américain qui s'appelle Frontier Ruckus, deuxième album qui s'appelle Dead Moles and Night Falls. Un extrait tout de suite, ça s'appelle Pontiac The Night Brink. On the brink, oh, where I speaking, neither does the heart I'm seeking in you. Mary Lynn, you wouldn't know, but you do too have holy glow. But how am I supposed to show you, you? Cause your voice through those holy notes marked me like the salted roads, chalky white, the night forebodes of coming. Your throat throttled North Town boys from the Rochesters and Troys. They will also hear your noise drumming low. The wilderness of floating text, the endless half-conscious present tense winter sex. Do you see how it connects in me? Say touch in such awful blurs. Their cough is full with all it remembers, draining the strip mall containers to find me there. Where the silver dome, the palace, the silt slush road, all the mailboxes are very tight-lipped with the way they know my name. All the black ice ever gives, 20 swerving adjectives, repeating and cheating in our south until your skin turns warmer. travel south until your skin turns brown. Put a language in your head and get on a train, and then come back to the one you love. Son folk américain des frontières, Ruckus. L'album est sorti cet été, c'est leur deuxième album, il s'appelle Dead Moles and Night Falls. Et puis à l'instant, le retour d'un groupe génial écossais qui s'appelle Belle et Sébastien. L'album s'appelle Right About Love, c'est déjà le huitième album hein, d'une discographie qui remonte à 1997. Un album qui devrait d'ailleurs ravir tous les fans du groupe, même s'il faut bien l'avouer qu'en 2010, Belle et Sébastien n'offrent pas grand chose de nouveau. Alors c'est clair que les 11 titres de l'album restent de très bonne facture, avec une pop comme on en a l'habitude avec Belle et Sébastien, mais rien de bien nouveau. En tout cas, ce titre était plutôt sympa. Little Lou, Ugly Jack, Prophet John, avec la voix de Norah Jones dessus pour un duo avec Stuart Murdoch. Voilà, l'album est disponible chez Rough Trade, c'est distribué en France par Beggars Banquet. Belle and Sébastien, donc pour tous les fans, Allez quand même acheter cet album Write About Love, car franchement il y a quand même quelques petits morceaux qui valent le coup dessus. Allez, on va accélérer un petit peu dans la belle rock. On va remettre du rock dans tout ça avec une nouveauté française, un groupe créé en janvier 2010. Il s'appelle The Dukes, c'est un maxi qui s'appelle Resilient Lovers, disponible chez Pias. Un petit historique tiens, pour ce groupe The Dukes, donc créé en janvier 2010, je vous le disais, par Shanka et Greg Jax, deux musiciens qu'on a vu évoluer au sein d'une formation bien connue du côté de la France, puisque c'était un groupe qui s'appelait No One Is Innocent. En février de cette année, février 2010, donc, le duo de Shanka et Greg, rejoint par le guitariste Gaspar Murphy, fils du songwriter Elliot Murphy. En mars 2010, ils partent enregistrer en Suède leur premier morceau, avant d'être finalement repérés donc par le label Pias qui les signe. Le résultat, ce maxi qui est sorti en octobre, et surtout un premier album prévu pour février 2011. The Dukes dans la belle rock tout de suite, ça s'appelle Victory. Crawling right in front of you. You've gotta be kidding me. Label Rock avec Sébastien Gass. From the bon son rock comme vous aimez dans Label Rock, avec à l'instant un extrait du nouvel album des Hollandais de DX. L'album s'appelle Catch a Shoe, c'est leur premier album studio depuis 2004, et notamment le premier avec le nouveau chanteur qui s'appelle Arnold De Boer, un album enregistré à Chicago par Steve Albini. Pour la petite anecdote, hein, sachez que c'est le 25e album du groupe en 35 ans de carrière. Un groupe culte, hein, DX, que vous avez peut-être applaudi d'ailleurs sur scène, car ils étaient en tournée en novembre en France, avec notamment une date du côté de Saint-Étienne au Fil, c'était le 24 novembre dernier. Label Rock, toujours aussi éclectique, avec beaucoup beaucoup de nouveautés qu'on reçoit chaque semaine. C'est pour ça qu'on vous propose aussi bien du rock, de la pop, de la folk et de l'électro. C'est une nouveauté électro maintenant, justement, avec le nouveau CD de Crystal Distortion. C'est le projet de Simon Carter, un compositeur anglais de musique électronique qui vit en France et qui est apparenté au style Tribe. C'est d'ailleurs un des principaux producteurs de disques de la scène underground techno française, notamment au sein du collectif Spiral Tribe, avec près d'une centaine de maxi à son actif, enregistrés en 1991 et 2010. Donc 19 ans, ou même on va dire 20 ans d'activisme pour Simon Carter. Crystal Distortion, avec une musique considérée vraiment caractéristique du son des Spiral Tribe, qui mélange, on va dire, l'influence de la techno de Détroit avec l'acid house anglaise dans un cocktail hardcore, trance et dance floor. Le CD s'appelle Cheap Jockey, un CD mixé, enregistré dans des conditions live, disponible sur l'excellent label Expression, distribué en France par Discographe. Crystal Distortion, donc, tout de suite dans Label Rock, ça s'appelle Élysée Crash. de la Boom Boom signé par Simon Carter alias Crystal Distortion. Je vous rappelle, le CD s'appelle Cheap Jacket. Si vous aimez, bah, tout est comme ça et tout est mixé. Donc aucune raison de ne pas faire la fête. C'est disponible donc chez Expression, distribué par Discographe. On va passer maintenant au live. Je vous ai annoncé en début d'émission qu'on allait faire un retour sur la dernière soirée du 16 novembre. C'était au mardi du Grand Marais de Riorge. Une soirée qui rentrait dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale avec comme invité Cathy Palen. Vous la connaissez peut-être sous le nom de Kazé. C'est une rappeuse française d'origine martiniquaise. Elle vit aujourd'hui au Blanc-Ménil, hein, en Seine-Saint-Denis. Elle revendique son rap comme étant du rap de fils d'immigrés et non du rap français, avec comme thème souvent abordé dans sa musique les problèmes de racisme, les violences policières ainsi que le passé esclavagiste et colonial de la France. Au niveau de la discographie, premier album Tragédie d'une trajectoire, c'était en 2006. On notera aussi qu'elle a participé avec le collectif Zone Libre, un projet rock qui associe le guitariste de Noir Désir, Serge Tesso-Gay, le guitariste de Yann Tiersen, Marc Sens, et le batteur de Sloy, Cyril Bilbo. Ça c'était autour de 2008 il me semble. Et enfin Kazé, qui a sorti cette année en mars 2010 son nouvel album solo qui s'appelle Libérer la Bête. Kazé donc en live, en session exclusive pour Label Rock. Trois titres pour vous, Pas à vendre, Le fusil dans les tuis et Regard glacé. Les mardis du Grand Marais, comme si vous y étiez, vous en avez l'habitude, c'est dans Label Rock. Kazé tout de suite. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être venu. Écoutez du rap de dépressif, merci. Donc ce sera une succession de chansons glauques et dark, sachez-le. Il n'y a pas un seul tube. Il n'y a pas un tube. Il n'y a pas un truc pour danser. Ceux qui sont venus avec leur meuf, barrez-vous. C'est des sons pour égorger des gens. Donc si vous voulez vous taper entre vous, allez-y, il n'y a pas de souci, c'est permis. Que je te raconte comment chaque fois j'affronte tête et souvent à coup de pompe. Ceux qui me jugent très souvent se trompent ou me guettent l'air de dire tu devrais avoir honte. Fusil des yeux, la façon dont je m'habille me demande si je suis un garçon ou une fille. Veulent dans les détails mon poids, ma taille et le mode d'emploi de mon plan de bataille. Quelle importance, mes séquelles. Fais ta route, ce que tu penses n'influence pas ma manière d'être. Et tous les mécontents peuvent aller se faire foutre, car je ne rendais compte qu'à celle qui m'a vu naître. Je ne suis pas cette bête de foire que l'on tonte, ou bien même à qui l'on monte sur la tête. Et cette vie propre et nette de micheton ou petite minette, je n'en veux pas, laisse-moi sur ma planète. Mon mode de vie n'est pas à fondre. Mon rap n'est pas à fondre. Ce que je pense ou dis n'est pas à fondre. Et si tu crois que ça va changer, tu peux attendre. Mon mode de vie n'est pas à fondre. Mon rap n'est pas à fondre. Ce que je pense ou dis n'est pas à fondre. Et si tu crois que ça va changer, tu peux attendre. Je me rappelle encore cette époque. RERB bondé, je sortais de mon bloc. Marchais avec dans les oreilles du peur ou du rock. Dans ces longs couloirs, car du nord où tu suffoques. Correspondance, belles adresses et coins classe. Moi, mon sac à dos, mes locks, mes Adidas. À l'évidence, ma seule présence, c'est de l'audace. Parmi ces petits cons friqués et grands blondasses. Puis j'arrive enfin dans ce label pour lequel j'ai mis un couplet sur une compile. Tu sais, en général, si ces connards m'appellent, c'est qu'ils n'ont eu personne d'autre au bout du fil. Bref, je signe leurs deux, trois paperasses et me casse avec dans la poche le montant de ma séance. Ne monte pas de film, y'a pas de quoi quitter la crasse. Juste rincer mes potes d'en face dans une ambiance. Mais en sortant, devine qui je croise. Le dernier rappeur à la mode qui me toise tout naze. Ce guignol qui tape des poses avec sa gueule et son blaze sur un t-shirt rose. Et cette espèce de macaque qui calque les caries, flambe et fait le coq. Il se vante d'avoir signé ici pour plusieurs plaques et me dit que son disque dans les plaques cette année sera le choc. Mais un album pourri plus tard, un soir, je revois l'ex-futur star dans un bar. Il veut boire, me gratte comme un clébard. Me dit que chez la major, son contrat dort dans un tiroir. Et maintenant il est en loc, Il n'a plus d'oseille et ça me fait ton cloque. Il me dit qu'on devrait aller brûler son label et Skyrock. Fous-moi le camp qui t'avait dit d'aller baisser ton froc. Mon mode de vie n'est pas à vendre. Mon rap n'est pas à vendre. Ce que je pense, outil n'est pas à vendre. Et si tu crois que ça va changer, tu peux attendre. Mon mode de vie n'est pas à vendre. Mon rap n'est pas à vendre. Ce que je pense, outil n'est pas à vendre. Et si tu crois que ça va changer, tu peux attendre. Je marche sous les voûtes et les arches, galère sous les porches, crache sur les marches, les mains dans les poches, canette dans la manche, je rêve de revanche, en semaine et dimanche, je traîne en zone, tranche, où l'indigène flanche, où le système se penche, sur les peaux blanches, lèche, les plus riches, les prêches, le bacchiche, le vol, la triche et les fils qui aguichent, ma vie c'est le vide, le creux, le bide, les coins sordides, les plaques morbides, le décor du nord et puis des caïds sans remords aucun, et que la quête de leur guide. Des frères sous acide, des porcs qui décident d'infliger la mort sans risque l'homicide. Des tonnes de suicides et moi qui dilapide avant d'avoir des rides. Ma santé, mon liquide. J'éprouve pour ce plaid une rage qui m'obsède quand ils projettent de mettre en place la partie. Quand ma tête à l'écart et la cause qu'ils plaident quand ils nous briment, nous rejettent et puis nous dépossèdent. Et mes tours sont laides, mon parcours est raide, je suis à bout abîmé. Nomade et sans remède, j'ai de la haine en trop. Refuse l'entraide, je ne demande ni au monde, ni offrande, ni aide. La haine me suit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuyaux. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuyaux. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Tous les jours, je gère et endure. Insulte, lutte, chute, échec et injure. Ignore la nature, le sommeil et l'azur. Et les couchers de soleil et les bouffées d'air pur. Je ne vois que misère, grisaille et bulldozer. Et pas mal de mes frères, loisir sans loisir. Choisir au hasard un boulot à saisir et se retrouver précaire et sans aucun plaisir. Alors, moi je sors et m'emmerde à mort. Je vis sans horaire, je dors à l'aurore. J'adore l'univers de la nuit, ses apports et le doux réconfort d'un grand-père d'alcool fort. Les pauvres qui perdent fort, de riches coffres forts, sans effort ce soir. Avant les renforts, la casse et le delport, ma race et mon folklore, la crasse qui détériore leur emblème tricolore. Derrière les barrières se trouve ma carrière. Aujourd'hui le brouillard et comme à la fourrière. Mais que veux-tu que j'espère? Faire du son, du sport. La photo est trop foncée sur mon passeport. Je suis aigri, amer, le cœur sous armure. N'aime que la rancœur, le hardcore et le rap dur. Me tape sur les murs, mon tape du futur. Joue ma vie au paltra jusqu'à ma sépulture. La haine me suit là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuyaux. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuyaux. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Je suis noir, désenvolte et on récolte. Et il en résulte mes raisons de prendre le colt. Au plus que je récolte la crise et la honte, la haine qui me hante, la tension qui monte, le glaive sur ma tête et puis sur ma route. Sirène, descente, tout est déroute. Une sale vie d'adulte que seul le sang exalte et qui souvent exulte quand il coule sur l'asphalte. Et sans suinte, la crainte, les pleurs et les plaintes, les ruses et les feintes, les caves que j'emprunte, les pentes que j'arpente, l'ennui et l'attente, l'achat et la vente, et les rêves qu'on s'invente, les flics qu'on évite, souvent qu'on évoque, quand tribunaux et grandes instances nous convoquent. Et je suis ce produit qu'on a réduit à marcher jour et nuit, le fusil dans les tuyaux. La haine me suit là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuyaux. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuyaux. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Je fais mon intro. Mon entrée. Sur une passe. Filtrée. Une batterie. Électro. Un micro. Éventrée. En pleine zone sinistrée. Entre usine et bistrot, je viens pour illustrer mon parcours de claustro. Mes angoisses de frustré dans un espace restreint. Destin castré. Prostré en queue de train. Posté en retrait. Sans rêverie ni en train. Mon mépris, c'est mon abri. Forcé, contraint. Mes regrets sont corsés. Ma foi perçue dans ces récits recto verso. Que je déverse ici. Mon pédigré perso. Me paraît sans issue. On veut prendre la bête au lasso. Vu que peu l'apprécie. Relâchez la pression. Arrêtez mon procès. J'ai l'impression que tout m'empêche de cracher ma version. De lâcher mes dossiers. Quoi que vous fassiez. Car à mon aversion. Mon regard est glacé. Mal reçu, mal placé. Trop déçu et lassé. Mon regard est glacé. Mal reçu, mal placé, trop déçu et lassé. Mon regard est glacé. Mal reçu, mal placé, trop déçu et lassé. Mon regard est glacé. Mal reçu, mal placé, trop déçu et lassé. Mon regard est glacé. Et apparemment ils vont nous virer des environs sans tarder. Venir nous récupérer sur nos perrons et opérer. Avec le fleuron des flingues au ceinturon. Tout ça pour nous capturer et tirer au son du clairon. Le pays semble apeuré. Dit que les parias sont pourris car avéreux, plantarés. Et les barons seraient la barie. Leur folie est avérée, ahurée en furie. Délibérément déluré, ayant livré de pèlerie. Le combat serait à livrer en périphérie. Retransmis à la télé, diffusé en différé. L'exclusivité de Safari. Présentée par une connasse. D'animatrice préférée. Alors prenez les paris. Et prévenez tous les parents. Qu'il faudra coucher les mamans. Et puis sortir les mamies. Ce soir à l'écran. Un pur moment de féerie. De crève la fin chassée. En charter et en ferry. Mal reçu, mal placé. Trop déçu et lassé. Mon regard est glacé. Mal reçu, mal placé. Trop déçu et lassé. Mon regard est glacé. Mal reçu, mal placé, trop déçu et lassé. Mon regard est glacé. Mal reçu, mal placé, trop déçu et lassé. Mon regard est glacé. T'as pas le bon numéro. T'es pas le favori, pas le héros qu'on va adorer. À la fin de la série. Plutôt l'immigré qu'on va s'assurer de réinsérer. Les CRS sont resserrés, ont sorti leur vie pas serrée. Ton ulcère va m'insérer, renversé et sauré. Tout autour de ta tête étourdi, les gourdins sont brandis. Les blindés sont réduits, tendus, parés à bombarder. C'est pas la peine de parader, d'avoir ta place au paradis. C'est décidé, c'est décédé. Ma barbe et ses causes perdues. Ton taudis est dégradé, ta violence est débridée. Ta culture est dépravée, ton cerveau est délavé. Tu vas en bas des cartes, ta sépulture est déjà gravée. Ils vont braver tout ce qu'ils vont trouver sur ton parvis. Finir d'achever les frères qui n'ont pas encore crevé. Sauf toi sans t'en priver. Si, si tu es toujours en vie, ils sont motivés à foutre le mot fin sur ton CV. Mal reçu, mal placé, trop déçu et lassé. Ton regard est glacé. Mal reçu, mal placé, trop déçu et lassé. Ton regard est glacé. Mal reçu, mal placé, trop déçu et lassé. Ton regard est glacé. Mal reçu, mal placé, trop déçu et lassé. Ton regard est glacé. Merci. Trois titres live enregistrés pour une session exclusive à Label Rock, enregistrés donc à Riorges au mardi du Grand Marais, c'était le 16 novembre dernier à l'occasion de la semaine de la solidarité internationale. Kazé qui vous a donc interprété Pas à vendre, Le fusil dans l'étui et Regard glacé. Si vous aimez ça, je vous rappelle, il y a donc deux albums pour Kazé. Le premier album, Tragédie d'une trajectoire, et enfin le dernier album, premier album solo on va dire, qui s'appelle Libérer la bête. Prochaine session dans Label Rock, tout simplement la semaine prochaine, avec une session de Del Cielo et d'un groupe de Montpellier qui fait beaucoup de bruit qui s'appelle Marvin. En attendant, pas de bruit du tout dans Label Rock, mais au contraire la belle voix de la californienne Emily Jane White, nouvel album qui s'appelle Ode to Sentience. Comme d'habitude, un fan de voix féminine et de folk, vous allez adorer. Emily Jane White, donc dans Label Rock, ça s'appelle Broken Words. Take your broken words and place them on your heart, so when it breaks, they all fall in. Take your jealous words and place them at the top of your list. They stand for that which you'd like to be. Oh, your voice was in a box, and I would turn the key just to hear you. Your broken words and place them in the palm of your hand. Stitch them back together again. They're on the mend. Take your angered words and feel them through and through. That way they don't murder you. Oh, in the and I would turn the key just to hear you talk. Take your broken words and place them on your heart, so when it breaks, they all fall. Never gonna leave. Emily Jane White pour commencer. L'album s'appelle Ode to Sentience, troisième album disponible chez Tarly Tress avec un extrait Broken Words. Et puis à l'instant, nouveau single d'une légende américaine de l'Americana, le compositeur et chanteur Howie Gelb, que beaucoup d'entre vous connaissent bien évidemment pour le groupe Giant Sand. De retour donc avec un projet qu'il surnomme Snow Angel. Le résultat, un double single disponible chez Orchestra Pete Records. Nous on s'est écouté Nail in the Sky. On va continuer cette émission Label Rock avec peut-être une des plus belles révélations de l'année 2010. C'est la chanteuse Indy Zahra, d'origine berbère et touareg. Indy est née au Maroc avec sa mère et ses oncles, hein, notamment, qui l'initient à la musique traditionnelle du Gnanoua, à la folk de Bob Dylan et au reggae de Bob Marley. Sachez qu'elle est complètement autodidacte, qu'elle a appris et pratiqué avec les siens les rythmes ancestraux et les plus belles mélodies du répertoire égyptien. Et enfin qu'elle a sorti un premier album chez Blue Note, c'était en janvier 2010. L'album s'appelle Handmade et je crois qu'elle a d'ailleurs reçu le prix Constantin il y a pas si longtemps que ça. Indy Zahra, donc tout de suite dans Label Rock, ça s'appelle Music. Music is coming, I feel it dropping on the ground. Sounds like my heart beating fast and free now. It's always running in my veins. Till I hear the drums and basses online. Music is coming, I see it, everybody moves now. Till we get thirsty and happy, all we need this time. For the real thing, for the real high, for the real love. Come together now and rock the ground. Give it all to the sound. Body, soul, what you're waiting for the right time, for the real thing. Move until you feel it, and move until you feel. Move until you feel it, and move until you feel. Move until you feel it, and move until you feel. Move until you feel it, and move until you feel. There's no limit, no rules between you and I. There's no lines, no lies. Keep it alive, keep it high. extrait du premier album de Indy Zara. L'album s'appelle Handmade, on s'est écouté Music. On va rester dans les influences de World Music avec un extrait du nouvel album maintenant des 340 millilitres. L'album s'appelle Sorry for the Delay. Si vous ne connaissez pas les 340 millilitres, sachez que ce sont 4 musiciens dont les origines viennent d'Afrique du Sud et du Mozambique et que du coup bah, ils proposent une African Pop. Hein. Voilà, c'est classé comme ça par le label. Nous, on dira que c'est une excellente pop, hein, tout simplement, aux accents africains. Ils sont actuellement en tournée en France. Il vous reste encore quelques dates. Le 30 novembre, ils seront au Cabaret Aléatoire de Marseille. Le 2 décembre, à la Coopérative de Mai. Le 3 décembre, au GAM à Creil. Et enfin, le 4 décembre, aux Abattoirs de Bourgoin-Jallieu. Et ils sont tout de suite donc dans Label Rock avec Fairy Tales 340 millilitres pour vous dans Label Rock. Je vous rappelle, l'album s'appelle Sorry for the Delay. She's wondering what to wear, black dress and tied up hair. It's hard to think when the phone calls don't stop. Throws on her favorite bows, and now she texts the girls. They meet outside on the end in one stop. She buys some cigarettes and puts away her chain. She's not wearing underwear, and that feels strange. Her name is on the guest list. She doesn't have to wait in line. Mirror, mirror, mirror ball, who'll be the queen of the carnival? You be the prince in the dance floor fence. She leave her shoes on the nightclub stairs. The music flows and they dance together. Cocktail caramel, Mexican sunrise, dry martini with a whiskey surprise. 3 a.m. on a medium wave. How many lines will the DJ say? He picks the next one and people follow, moving like they don't have to work tomorrow. Mirror, mirror, mirror ball, who'll be the queen of the carnival? You be the prince in her dance floor fence. She leave her shoes on the nightclub stairs. Mirror, mirror, mirror ball, who'll be the queen of the carnival? You be the prince in her dance floor fence. She leave her shoes on the nightclub. Fairy Tales, excellent extrait du nouvel album des 340 millilitres dans Label Rock. C'est bientôt l'heure de se quitter, on va remettre un petit peu de guitare et de rock notamment, avec un extrait du nouvel album du groupe de rock expérimental Deer Hunter, un nouvel album qui s'appelle Halcyon Digest, quatrième album absolument fascinant, qui concilie une pop rêveuse avec des sonorités brumeuses. On s'en écoute un extrait, ça s'appelle Revival. Allez, montez le son, une fois de plus, c'est Label Rock. Yeah. Reggae World. Label rock, électriquement, très satisfaisant. Disques que j'ai reçus et qui m'ont beaucoup plu récemment. Deer Hunter pour commencer, l'album s'appelle Halcyon Digest, disponible chez Beggar's Banquet et sur le label 4AD. Puis au milieu, une nouveauté dont je ne connais pas grand chose hein, malheureusement, si ce n'est qu'elle est l'œuvre d'un artiste nommé Louis Jones, que cet artiste vient de Leeds en Angleterre et qu'il enregistre sous le nom de Spectral. C'est sur un premier maxi qui s'appelle Extended Play, c'est sorti en octobre dernier via le label Moshi Moshi. Et puis à l'instant, du vieux mais du lourd, rendu disponible grâce aux Espagnols de Vampisoul, c'est sur l'excellente compilation Rhythm and Blues Hip Shakers Volume 1 Teach Me to Monkey. Et il s'agissait bien sûr de Roy Milton and His Orchestra, un titre qui s'appelle One Zippy Man. Roy Milton, hein, qui a une carrière assez longue puisqu'il est né en 1907 et qu'il a continué d'enregistrer jusque dans les années 70 et qu'il est décédé, c'était le 18 septembre 1983. C'est terminé pour cette émission de Label Rock. On va terminer ce programme avec un trio de Montpellier qui a littéralement abasourdi tous les spectateurs qui étaient présents à la dernière soirée des Mardis du Grand Marais. C'était mardi dernier à Riorges, ils s'appellent Marvin, ils viennent donc de Montpellier. Et sachez pour la bonne nouvelle qu'ils seront en session live dans la prochaine émission de Label Rock. Marvin, ça s'appelle Fear. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, une excellente semaine. Et je vous dis ciao, à la semaine prochaine dans Label Rock. Soyez sages, mais pas trop. Label Rock, deux heures de son pas comme les autres.